Bonjour, ici Valérie Levé sur les ondes de CKRL 89.1 et c'est l'heure de votre magazine de culture scientifique Futur Simple. Vous écoutez la radio en ce moment, mais vous ne la regardez pas. Ça semble un peu stupide ce que je viens de dire, mais parce que le son, ça s'écoute et ça ne se regarde pas. Et pourtant, il existe une expérience qui permet de voir le son. C'est l'expérience des plaques de Chladni. Alors, ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, et c'est pourtant le père de la science de l'acoustique. Alors aujourd'hui, avec Mathieu Riopet, qui est professeur de physique au Cégep Garneau et chargé de projets pédagogiques au Centre de démonstration en sciences physiques, on va découvrir Chladni, les plaques de Chladni, et on va aussi découvrir une application bien musicale des plaques de Chladni avec le groupe Les Bleues Pelouses. Bonjour Mathieu. Bonjour Valérie, ça va bien? Ça va très bien. Donc, tu peux nous parler d'une expérience en fait que je connaissais, que j'ai déjà vue, mais ouais. J'avais oublié le nom de Chladni. Oui, cette expérience-là, c'est certainement par expérience là de mon expérience de prof de physique puis avec le centre de démonstration, c'est probablement celle que je connais qui impressionne le plus à chaque fois. À chaque fois que je la fais, les yeux des personnes, ça, on voit que les gens sont impressionnés, autant dans des cours de physique que tout ça. Donc, l'expérience des plaques de Chladni ou des figures de Chladni, je l'ai faite d'ailleurs sur Zoom il y a quelques semaines à un groupe d'élèves de quatrième année du primaire. Puis, même à distance, ces élèves-là étaient vraiment impressionnés. Ils cherchaient le truc parce que là, ils voyaient juste que la caméra leur montrait. Ils étaient convaincus que j'avais caché des aimants ou des choses comme ça. Mais vous allez voir en quoi ça consiste. C'est vraiment juste une expérience qui permet de visualiser les vibrations d'un objet. Donc, j'imagine que ce Chladni, ce fameux Chladni, est un personnage scientifique des temps passés. Oui, c'est ça, exactement. Comme à la radio, on peut pas montrer, on peut pas voir l'expérience, mais on peut faire toutes sortes d'autres choses, comme en parler et raconter un peu l'histoire de ce personnage-là qui a inventé cette expérience-là. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais j'encourage tout le monde qui écoute d'aller voir un peu c'est quoi l'expérience, parce que évidemment. Une image vaut mille mots en ce qui concerne ça. C'est très facile à trouver, là, les figures de Chladni, si vous cherchez sur YouTube, il y a des vidéos. Puis juste pour la situer un peu l'expérience, essentiellement, souvent, ce qui est fait, c'est qu'on met en vibration une grosse plaque métallique. Donc, une plaque métallique qui peut vibrer. La façon dont on la fait vibrer, ça peut être avec un archet. C'est comme ça que le faisait Chladni il y a 200 ans. Mais des fois aussi, c'est un haut-parleur qui va la mettre en vibration. Et puis, la plaque se met à vibrer. Donc, pour voir un peu les différents modes de vibration, la façon précise dont la plaque va vibrer, ben, on ajoute du sel. Là, c'est pas pour le goût là, qu'on ajoute du sel, c'est parce que le sel va se regrouper ou va se retrouver à différents endroits puis former des figures, là, des étoiles ou une espèce de quadrillé sur la plaque métallique sans qu'on ait besoin de rien faire d'autre que faire vibrer la plaque. Il n'y a pas d'aimant, il n'y a pas de truc caché là-dedans. C'est simplement la vibration qu'on voit. Chladni disait qu'avec cette expérience-là, il pouvait faire voir le son. Puis c'est un peu l'idée là-dedans. Mmh. Alors, qui est Chladni? Ben, Chladni, c'est un Allemand qui a vécu, qui est né en 1756, qui a passé une part de sa vie à Wittenberg. C'est un enfant unique. Puis, sa mère est décédée quand il était très jeune. Son père a donc s'est occupé de son éducation, puis l'a beaucoup surprotégé. Là, donc, il n'y avait pas. Comme pas le droit de beaucoup de sortir à l'extérieur, ou puis on faisait trop attention à lui, du moins c'est de la façon dont il le raconte dans ses ouvrages biographiques. Puis, mais lui, il rêve de voyager, il rêve de faire de la musique, c'est des choses qui le passionnent, il va suivre le chemin que lui trace son père, il va aller étudier le droit. Son père avait travaillé, je me souviens plus s'il était avocat, mais il travaillait en droit. Et puis, par contre, lorsque son père va mourir, Tlamy va un peu se libérer d'espèce de fardeau de la lignée familiale. Et puis, donc ça, c'est en 1782, il va décider de se lancer dans des études en sciences parce que c'est ça qui le passionne à ce moment-là, particulièrement l'acoustique. Je disais qu'il était passionné de musique, ben c'est le son qui va être son premier intérêt durant ses recherches scientifiques, si on veut. À l'époque de Clany, donc c'est ça, autour de 1782, il n'est pas le premier, disons, scientifique à s'intéresser au son, à la nature du son. On a compris à cette époque-là que le son, ben, c'est causé par des vibrations. Ça prend quelque chose qui vibre pour produire un son, l'idée d'onde là, qui est en train d'être élaborée. Bon, on comprend ces choses-là, mais donc il va reprendre un peu les idées qui planaient à l'époque autour du son, puis il va reprendre ces travaux-là. Il va reproduire certains travaux de Euler puis de Bernoulli autour des lames métalliques qui pourraient vibrer, là, donc une espèce de tige métallique. Il va voir comment ça vibre, c'est quoi les propriétés physiques d'un objet qui influence la hauteur de la vibration du son, par exemple. Est-ce que le matériau change quelque chose sur la résonance d'un objet ou la longueur? Une tige, plus elle est longue, plus elle va produire un son grave. Donc, c'est un peu ce qu'il va essayer de vérifier. Il va avoir fait vibrer ces tiges-là avec un archet. Donc, il va prendre un archet de violon, là, puis faire le frotter sur une tige métallique. Elle va produire une vibration qui est plus, disons, reproductible, facile à analyser. Donc, il va servir de l'archet. C'est un peu sa contribution à ce niveau-là. Mais là, comment de l'archet, de la tige, il passe à l'idée des plaques? Ben, une plaque, c'est une version en deux dimensions d'une tige, là, où l'idée, c'est qu'il va transformer, va passer à l'étape suivante qui n'avait jamais été analysée. Il va s'intéresser vraiment à une plus grosse plaque en métal. Comment ça vibre? Disons, la forme peut changer. Une plaque carrée, une plaque ronde, une grosse plaque, une petite plaque. Il va la frotter encore avec un archet. Il va remarquer que ça vibre de différentes façons. Mais il va avoir une idée à ce moment-là. Il y a un scientifique qui s'appelle Lichtenberg, qui, d'ailleurs, il existe ce qu'on appelle en science les figures de Lichtenberg. C'est différent des figures de Clany. Les figures de Lichtenberg, c'est des espèces d'arcs électriques qu'on fige dans un objet. C'est vraiment beau à voir. C'est magnifique à voir. Il va s'inspirer de Lichtenberg, des figures de Lichtenberg, pour produire les figures de Clany. Il va ajouter du sel sur sa plaque, comme on disait. C'est le grand truc, là, celui-là. Puis, il va voir apparaître toutes les formes qui sont vraiment magnifiques qui apparaissent lorsqu'on fait vibrer une plaque métallique. Donc, c'est vraiment en s'inspirant de toutes sortes d'idées, puis en étant, disons, le premier à analyser la vibration des objets métalliques en deux dimensions, qui va en arriver à ces résultats-là. Est-ce qu'il fait ses observations, mais est-ce qu'il les publie aussi? Est-ce qu'il a laissé des écrits de ces figures qu'il observe? Parce qu'il ne pouvait pas prendre Oui, de tout à photos. fait. Ben, il a reproduit dans ses ouvrages toutes les formes qu'il observait. En fait, il va maîtriser la plaque, là, si on veut, là. Il va devenir très, très bon pour faire apparaître toutes sortes de figures. Ça fait plusieurs années que je me pratique à la plaque de Clany comme professeur de physique. Puis j'arrive à produire quatre, cinq figures dans les bonnes journées, là. Lui, il était capable d'en produire, là, vraiment une panoplie, là, plus d'une dizaine. C'est faire vibrer la plaque de différentes façons, là, c'est quand même plutôt difficile. Donc, il va publier en 1787 un livre où il montre ses résultats. Puis, il va aussi essayer d'aborder le problème mathématique qui est posé, parce que comment ça vibre, comment on décrit ça avec des mathématiques, c'est un problème qui est compliqué. Il ne va pas réussir à le résoudre, mais il va dire que le problème est compliqué, puis que ce serait intéressant de le résoudre, par contre. Puis ensuite, c'est là qu'arrive, bon, il commence des études, puis ce qu'il aurait pu faire, Clanny, le chemin normal pour un scientifique, ça aurait été de trouver une position dans une université, enseigner, tout ça. Il va s'essayer, mais sans grand succès. Puis, comme il a besoin d'argent, il veut continuer à faire de la science, à être libre dans ses recherches. Il va avoir une idée qui n'a pas été souvent, j'ai pas entendu beaucoup parler de scientifiques qui vont se lancer là-dedans. Mais ce qu'il va faire, c'est devenir un genre de scientifique itinérant avec un spectacle où il montre, il fait voir le son au public. Donc, sa façon, lui, de gagner de l'argent avec les sciences, ça va être de montrer les résultats, montrer les figures de clinique qui impressionnent le public et tout ça. Il va aussi inventer des instruments de musique, deux instruments de musique qui sont, si on veut, inspirés de ses recherches sur les tiges frottées par des archers. Donc, il a amené tout son attirail scientifique à bord de son chariot, puis il va voyager à travers l'Europe. Lui, qui avait toujours rêvé de voyager dans le monde, là, il va trouver une façon de joindre la science, le voyage, le spectacle à l'intérieur de son activité scientifique. Donc, c'est ce qu'il va faire pendant 25 ans, en fait, Clanny va voyager à travers l'Europe pour émerveiller les gens avec ses figures et ses instruments de musique. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été émerveillés, justement? Ben, parmi les gens émerveillés, il y a Napoléon Bonaparte, ouais, Napoléon qui était apparemment intéressé beaucoup par les sciences. Bon, lorsqu'il ne faisait pas la guerre et qu'il n'était pas en train de conquérir le monde, s'essayait à peut-être s'intéresser aux sciences. Et donc, il va entendre parler des expériences de Clanny à propos du son. Puis il va l'inviter en personne au Palais des Tuileries avec tout le gratin scientifique parisien et toutes les grandes personnes de l'époque, j'imagine. Et puis Clanny va lui montrer, lui faire voir le son. Apparemment que ça l'a beaucoup impressionné Napoléon, tellement que il a offert 6 000 francs à Clanny en récompense de son travail scientifique. Il lui a aussi demandé de traduire le traité d'acoustique de Clanny, en fait le livre que Clanny a écrit, qui est probablement le livre fondateur de la science de l'acoustique, là. Il va être traduit en français sous la demande de Napoléon. Donc aujourd'hui, on peut encore trouver là, ce livre-là, ça se retrouve, puis ça a été écrit il y a 200 ans, mais on retrouve tous les travaux de Clanny traduits en français grâce à Napoléon, grâce à la demande de Napoléon, si on veut. Puis Napoléon, en plus, aussi, il va. D'après moi, il était vraiment intéressé par tout ça parce qu'il va demander à Clanny d'expliquer les mathématiques de tout ça. Et puis, Clanny n'a pas la réponse, là. Comme je disais, les mathématiques, la vibration d'une plaque, c'est assez complexe. Et donc, ce que Napoléon va faire, c'est lancer un concours. Un concours où on offre de l'argent à la personne qui va solutionner le problème mathématique de la vibration des plaques. Et comme je le disais, le problème est assez complexe. Ça va prendre plusieurs années à trouver. Puis c'est pas un mathématicien qui va trouver la solution, mais c'est une mathématicienne qui s'appelle Sophie Germain. Mathématicienne, donc une femme mathématicienne qui gagne le concours à l'époque face à des hommes mathématiciens. J'imagine qu'il y avait des hommes mathématiciens. Oui, en fait. Beaucoup de mathématiciens vont tenter leur chance, mais c'est Sophie Germain qui en fait est une femme qui est moyennement connue, là, en tout cas, du moins du public en général, ce nom-là dit pas grand-chose. Pourtant, c'est probablement l'une des personnes qui avait le plus de talent en mathématiques en France à cette époque-là. Et puis, il faudrait faire une chronique juste sur elle, là, pour faire le tour de toute l'histoire. Mais c'est elle qui va, en 1816, remporter le prix offert par Napoléon sur l'explication mathématique. En fait, son explication, puis Il y avait des hommes, il y avait des mathématiciens qui jouaient du coude à ce moment-là, puis elle était très, très contestée à ce moment-là. Mais disons que c'est elle qui a gagné le prix. Même si son explication était incomplète, le problème, disons, en totalité, a été solutionné vers 1850 là, par Kirchhoff. Donc, ça a pris beaucoup de temps à comprendre la vibration de tout ça, mais on y est arrivé et maintenant, c'est ce problème-là, l'équation qui permet de décrire les ondes dans une plaque ou dans des ondes de façon générale, on l'utilise même une équation semblable là, pour décrire la physique quantique. Quand Napoléon disait, oh, j'aimerais savoir la solution pour la vibration d'une plaque, il y avait quelque chose là-dedans, dans l'idée de chercher là-dedans. Il y avait une application pour le futur, décrire le mouvement des atomes ou la façon dont on peut trouver des atomes dans l'espace. Ça se décrit avec la même équation ou une équation d'onde qui est très similaire à celle. Puis là, bon, on n'épluchera peut-être pas le lien entre la vibration des plaques de Chladni et puis la mécanique quantique, mais on va plutôt Non. s'intéresser à des applications pratico-pratiques dans le domaine de la fabrication des instruments de musique. Parce que Mathieu, tu as invité une autre personne à se joindre à nous aujourd'hui, c'est Thierry Steckerman, c'est ça? Je ne sais pas si je prononce bien le Steckerman, je ne sais pas si je prononce bien le nom. Oui, c'est ça. Oui, Oui? Starkman. Alors, donc, Oui. Thierry, toi, tu es luthier et tu utilises l'acoustique, les avancées de Chladni pour fabriquer des instruments? Parfait. Donc, en lutherie, on utilise beaucoup les modes. Évidemment, on est très concentré, préoccupé, je devrais dire, par les modes de vibration d'un instrument, de tous les instruments. Moi, je tiens à préciser que je vais parler des instruments de la famille des violons parce que ça change d'un instrument à l'autre. Donc, on va être intéressé à trouver les modes de vibration. Les modes de Chladni vont s'appliquer spécifiquement à ce qu'on appelle les voûtes de l'instrument. Donc, si on regarde un violon de face ou de dos, ben en fait, c'est ce qu'on va voir, c'est la partie, la principale composante avec les F et tout. Donc, quand ces pièces-là sont encore détachées, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va les poser à des endroits assez spécifiques. Donc, on va les poser sur ce qu'on appelle les antinodes, qui seront les points de non-vibration. Ils vont être appuyés là-dessus et pardon, excusez, sur les nodes, on va appuyer les éponges et on va mettre un haut-parleur vis-à-vis les antinodes, qui sont les points de vibration des modes de clavier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer une fréquence avec un haut-parleur. On va jouer un petit peu avec la hauteur. Ça va faire des drôles de sons un petit peu science des années 80. Puis, quand on arrive sur le point et la fréquence où la commence à vibrer de son plus fort, ben c'est qu'on sait qu'on a trouvé le mode qu'on recherche. En lutherie, en lutherie de violon, ce qu'on cherche, ce sont le mode numéro 1, ensuite le mode numéro 2 et le mode numéro 5. Ça nous donne un aperçu, en fait, de comment ça fonctionne, de comment va sonner l'instrument. C'est les modes les plus importants, mais évidemment, il y en a beaucoup plus que ça. Puis quand on a trouvé ce point de vibration-là, on note la fréquence, puis en conjonction avec le poids de chaque pièce, on va être capable de déduire une espèce de ratio de rigidité du bois. Puis c'est de ça qu'on a besoin pour un peu évaluer la qualité, puis évaluer le travail qui a été fait jusque-là. D'accord. Donc, et ça, c'est quelque chose qui se fait que tu utilises régulièrement à chaque fois que tu fabriques un violon. C'est un travail que tu fais à chaque fois pour quand tu. Donc là, c'est sur la table d'harmonie finalement du Ah. violon que tu fais ce travail. La table d'harmonie et le dos, Et le ouais, c'est dos. D'accord. D'accord. la table d'harmonie et le dos. Puis oui, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai fait sur tous les instruments que j'ai Ouais. fabriqués. C'est quelque chose que beaucoup de luthiers utilisent et surtout ont utilisé parce que de nos jours, en fait, les modes, on a des méthodes beaucoup plus rapides pour trouver les modes de Chladni. On n'a pas besoin de les faire vibrer puis de voir visuellement l'empreinte que ça laisse la pièce. Application qu'on peut télécharger sur un téléphone, par exemple. On peut mettre un micro devant la pièce, la taper au bon endroit, puis ça va nous donner déjà nos modes 1, 2 et 5. Donc, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, mais les modes de clavier avec un haut-parleur comme ça, c'est une méthode super rudimentaire qui est relativement accessible à peu près n'importe qui. Donc, ça a été utilisé pendant longtemps pour la lutherie de violon. D'accord. Puis alors maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que Mathieu Riopel, bon, il est professeur de physique, mais parfois il n'est pas seulement professeur de physique, il est aussi musicien, de même que Thierry Sterkman. Excuse-moi Thierry, je vais te laisser prononcer ton nom. C'est Sterkeman. Donc Thierry n'est pas seulement luthier, il est aussi musicien et tous les deux, joue dans le groupe de musique Les Bleus Pelouses. Alors, je vais vous laisser présenter votre groupe de musique. Ouais, Les Bleus Pelouses, c'est notre projet musical depuis quelques années, plusieurs années. Moi, je joue de la musique dans ce groupe-là et Thierry joue de la contrebasse. Un peu comme Kladni, on se disait qu'on allait le présenter parce qu'un peu comme Kladni aimait faire vibrer des objets avec un archet dans notre groupe, il y a de la scie musicale qu'on entend vraiment beaucoup, qui est une plaque frottée par un archet. Donc, à la maison, si vous voulez essayer de prendre une scie, une aiguine, la plier un peu, frotter avec un archet, vous allez voir que ça peut vibrer cet objet-là. Et on avait eu le goût de partager ça. On trouvait que c'était à propos avec ce thème didactique. Donc, on peut peut-être en écouter un extrait. Donc, on vient effectivement d'entendre la scie qui fait des ouin-ouin un petit peu, là. Effectivement, donc ça, c'est ce qu'on entend, c'est un instrument qu'on entend souvent dans que vous reprenez souvent dans vos pièces de musique. Oui, c'est Mylène Saint-Amour qui essaie de maîtriser cet instrument-là, puis elle y arrive avec succès, en fait. Là, c'est un instrument qui est peu commun, mais avec lequel on peut apprendre à vivre. Et donc, ouais, voilà, petite conclusion sur Kladni, si on peut retourner là. Saviez-vous que Kladni, il y a un cratère sur la Lune qui porte son nom aujourd'hui? Parce que Kladni, on n'a pas eu le temps d'en parler aujourd'hui, mais parmi les 1000 choses qu'il a faites dans sa vie, il était aussi un spécialiste des météorites. C'est le sujet qui l'a intéressé. Il était parmi les premiers à postuler que les météorites, c'était des roches qui tombaient du ciel, parce qu'on ne croyait pas à ça à son époque. Et donc, il a amené des preuves de tout ça. Et donc, aujourd'hui, sur la Lune, il y a un petit peu de Kladni qui se retrouve là. Par contre, sur la Lune, il n'y a pas de son. Et donc, ce Kladni-là qui rêvait de voyager est aujourd'hui un petit peu rendu beaucoup plus loin que nous, disons. Exactement, il a voyagé, lui, mais il est dans le silence. Alors, merci beaucoup, Mathieu, merci beaucoup, Thierry, respectivement professeur de physique et luthier, mais aussi tous les deux musiciens. Alors, merci d'avoir mis la science et la musique en vibration. C'est la fin de Futur Simple et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Il sera question du sable, mais pour l'instant, je vous laisse en musique avec les Bleus Pelouses, justement. Et je vous souhaite une belle soirée à l'antenne de CKRL 89.1 avec l'aérospatiale. crazy about you. He mocks him when I walk.